Le rap est dans un sale état, nous t'assez fallait pas. Si t'es pas calme, gars, je veux te cramer, t'écraser grave, 18 balles et v'là l'écart. Au départ, sur mon âge, tu rages, mais c'est bizarre. Dès que je rappe, la plupart ferme leur clap et car. J'ai les mille et un flow. Dans ma caverne, tu au Libaba, gros, chromi, je blague pas. Pas pour les bâtards qui veulent les appâter. Dans la rue, on t'aborde, toutes les filles t'adorent, c'est fort, c'est disque d'or, mais tu sais pas rapper. Ajoute food à Oli, tu te retrouves au cinéma. Bifou me dit calme-toi, frappe pas les faibles. Les MC sont as, le combat est inégal. Donc si on kick ça, chaque fois, il y aura des fêtes. On me raconte qu'en ville, ils ne parlent que de gun. Ça boit, ça fume, ça dit wesh ma gueule. Les gens réclament nos plumes car il n'y a aucune valable depuis l'époque d'Ayam ou de Michael. Oui maman, mais gueule pas trop fort, va t'entendre sur le disque. Merde, ça enregistre, ouais. Tant pis, j'assume ma vie un peu pourrie de pauvre type gentil. On verra dans 10 ans si c'est faux bandir. On grandit quand la vie elle t'en tire. Sur les rides, c'est flippant, fini le shit, le frigo vide et le caddie. Faut remplir le ventre des petits. Oli, calme-toi là. Trop tard, j'suis déjà reparti. J'te jure la vie va trop vite, alors on s'en fiche de tes clips et de tes bitches qui dansent, mais de ta Ferrari. Pourquoi tu m'enlis? T'es comme tous les ados, tu rêves de bif et même d'avoir de beaux abdos. J'suis un peu fou, personne n'a idée. Le matin j'dois réveiller toutes mes personnalités entre les intellos et les profs, les parisiens bobos et les bofs. J'sais plus trop quoi faire d'une planète originaire, j'vais à des années-lumière. Désolé, c'est le décalage horaire. Ma bouche est un flingue, j'appuie sur la détente. T'as mis les mondes d'un cran, ça fait le top 50. C'est tous mes potes d'enfance qui font les pop d'antan. Mais dans la pop, j'entends que de la pop dansant. Où j'ai le rap dansant. Mais ils sont tous. C'est marrant, ils vont vite, mais on comprend tout. Merci madame, faudra s'y habituer. Même si en France, les rappeurs ne savent pas articuler. Putain, mais dis quelque chose. Trouve-toi un orthophoniste, un vrai travail ou une cause. Oli, pourquoi tu parles mal des autres? Toi aussi, tu fais des fautes. Où j'ai peur du noir, et quand je suis seul des fois, je chante des chansons pourries en faisant la vaisselle. Partant derrière le mic, tu peux me tester, dis-moi. Car depuis des mois, j'attends toujours qu'un artiste essaye. Et à propos de la maille, je préfère la foule. Trop de types devenus fous, au départ, étaient millionnaires. Et à propos de tes fans, on vient du futur, donc ils sont tous visionnaires. De notre planète, on arrive, mais le public n'est pas prêt. Tu chantes depuis l'an 2000, les types ne savent plus rapper. Oli. Les fans nous réclament qu'être le moindre signe de vie. C'est même. Big Flo et Oli. Ah. On vient combler le vide. Parlez d'eux, parlez d'eux. Nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez d'eux. Nous aussi on peut le faire. Parlez d'eux, parlez d'eux. Nous aussi on peut le faire. Mais on préfère quitter la terre, on se casse. Viens avec nous, il reste la place. Je suis venu pour t'humilier, te ridiculiser, te mutiler, t'es pas immunisé, vais t'éliminer, je vais t'éliminer, les rimes illimitées, t'es pas habilité, vu ta l'habilité de gros naze. Tu vois, comme c'est facile de rapper vite, donc tu peux supprimer quelques MC de ta playlist. Écoute ces merdes toute la journée, c'est pénible. Dire que pour la plupart et pour la tournée des Zénith. Mais Flo, t'as acheté une place. Je sais. Faut que t'arrêtes, tu parles mal. Je sais. Mais je clash dedans, je suis fan, c'est comme ça, comme d'hab. Dans ma vie, dans ma peau, je suis mal, car être humain, c'est humiliant. Sur la planète, j'avais déjà mille ans. Mille ans. Mille ans, donc comprends que je vous trouve tous silence. Silence. Quoi? Flo, ferme ta gueule. Frère. Non, c'est rien, tu parles seul. Merde, normal qu'on me trouve bizarre dans la cour de récré. Personne n'aura plus vite que nos potos, tu fais chronométrie. Ils veulent des gros flingues, des beaux seins, des gros points. Des copains, des pots de vin, des potins. Mais j'en ai pas. Je te le dis franchement, votre tout ça me dépasse. Et les filles veulent des. T'es la femme de ma life, t'es la flamme de ma vie. Ça me désole de voir des connes quittent l'école pour faire les folles. Rendre leur bimol, ce pic s'envole. La fuite, la drogue, les flics, la coque. Écoute la dope, échange de potes, échange de clopes. Tout ça pour finir enceinte sur un parking. Biggie. Mais en attendant, tu chantes pas. Je sais. Faut t'arrêter d'être comme ça. Je sais. On verra bien demain. Chez Universal, ça se frotte les mains. Allez, hop. J'ai des tas de carcasses de rats dans mon 4x4. Écarte et gâte-toi, tu finis à 4 pattes. T'es gaffe, mancard. Je te découpe en 4x4. Attaque pas ou la balle part et te fracasse. Ah ouais. Le mec qui grave. Facile d'être le meilleur dans ce rap de nage. J'en ai encore dans sa quoi, j'ai des tas de phases. Dès comme Oli et Biggie, j'en vois pas des masses. J'suis précoce dans le rap, c'est la même Oli. Elle est vierge extra comme une huile d'olive. Non. Désolé Oli, ne pas faire de rime facile, on se l'était promis. Bien sûr ça fout les boules, ça dégoûte, ça les saoule. Mais c'est cool, on déboule de Toulouse, ils sont pas prêts. T'es un mouton, pas un loup, pourquoi tu l'ouvres? C'est douloureux, c'est du lourd, ouf, c'est la fin du de couplet. De notre planète on arrive, mais le public n'est pas prêt. Tu chantes. Depuis l'an 2000, les types ne savent plus rapper. Tu vois, toi aussi. Les fans nous réclament, guette le moindre signe de vie. C'est Big Flo et Oli, on vient combler le vide. Parlez d'eux, parlez d'eux. Nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez d'eux. Nous aussi on peut le faire. Parlez d'eux, parlez d'eux. Nous aussi on peut le faire. Mais on préfère quitter la terre, on se casse. Viens avec nous, il reste la place. Parlez d'eux, parlez d'eux. Nous aussi on peut le faire. Montrez-les, parlez d'eux. Nous aussi on peut le faire. Parlez d'eux, parlez d'eux. Nous aussi on peut le faire. Mais on préfère quitter la terre, on se casse. Viens avec nous, il reste la place. Vous êtes priés d'envoyer ce CD à tout le rap français. Dites-leur de retourner au taf. Oli. Ouais. Je crois que c'est vraiment pas fait pour nous ici. On rentre ?